C'est la vérité, merde, hein. Je sais que tu vas pas le laisser parler comme ça, ce Renoir, mais putain, qu'est-ce que tu vas faire? Non, personne vient me traiter de meuf, moi.